Haut et bas, d'Anne Terral. Une réalisation de Michel Sidorov. Deuxième épisode, oula, Ascension. C'est quoi cette odeur de ouf dans l'entrée? Ça sent le cours de chimie et la frite McDo d'avant-hier, vous trouvez pas? Non, absolument pas. Non. Ton odorat te joue des tours, ma chérie. Ça, tu vois, c'est une odeur de détergent industriel, une odeur de propre moderne. Ici, on est enfin au 21e siècle, les gars. On en a fini avec le tapis 1900 bourré d'acariens de notre cage d'escalier. Rouge sang. Le lino de l'entrée du bâtiment C est toujours rouge sang. Rouge bouché, pour être exact. Comme lorsqu'on est venu visiter la première fois, il y a des mois de ça. C'est juste d'une agressivité insupportable. Ils avaient promis de le changer cet été et de mettre un beau vert prairie à la place. Puis je ne me souvenais pas de ces plantes moribondes dans leur peau en plastique. Faut vraiment changer ce paysage. Le lino. Quoi, le lino? On avait demandé du lino vert prairie, Marc, rappelle-toi. On a même signé un bon pour accord avec toute la copropriété. Ah oui? Ah mais ça va se faire, ce lino, t'en fais pas tous ces trucs-là, ça prend du temps. Allez, on monte à l'appartement, hein? Les déménageurs ne vont pas tarder. Par ici, le bel ascenseur. Oh, classe! Il fait carrément la taille de ma chambre d'avant. Sur le 13, Vivi. Ouh, maman, tu appuies sur le bouton 13 juste derrière toi, please. Entre le 12 et le 14. Thanks. Je lui avais pourtant dit que ça ne se ferait pas tout seul. Il me fallait de l'entraînement, une préparation adéquate. Faut jamais plaisanter avec les modifications internes de grande amplitude. J'adore les ascenseurs très silencieux comme ça. Ça fait New York. Et voilà, j'ai la nausée. Elle est là, elle monte. Je la connais, cette salivation en accéléré. Un arrière-goût de pièces de monnaie. C'est l'altitude qui fait ça. Je l'avais pourtant dit que l'organisme devait s'acclimater. Il y avait des paliers obligatoires à respecter absolument. Ah, oh, stop. Arrêtez ce truc, hein. Je peux pas aller plus haut, hein. Je ne peux pas, j'ai la nausée, je sens que je vais vomir. Stop. Mais putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, Vivi? Faut jamais faire ça. On ne perturbe pas ce genre de machinerie hypersensible en lui envoyant un tas d'informations contradictoires en même temps. Regarde le résultat. On est bloqué. Bloqué. Et dans le noir, en plus. J'ai ma lampe frontale dans mon sac. Et elle va t'empêcher de dégueuler, ta lampe frontale? Maman, assieds-toi là. Par terre, et surtout, tu vomis pas. Oui, respire l'espèce de paillasson. Respire lentement l'espèce de paillasson, ça va passer. Papa? Oui? Il y a un bouton éclairé ici, au 10. C'est en cas de problème, pas vrai? Oui. Moi, j'appuie. C'est bon, j'ai aussi ma gourde. Dans les cas extrêmes, faut s'hydrater. Hydratation, c'est fondamental en altitude. Oui, Otis, j'écoute. Vous me recevez? Oui, ici le service de dépannage Otis. Votre position exacte, s'il vous plaît. Notre position exacte, bah, coincé entre la vie et la mort, c'est ça, notre position exacte. Otis, j'écoute. Je vous reçois très mal. Votre position exacte, s'il vous plaît. On sait pas trop. Entre le 8e et le 9e étage, peut-être. J'aurais dû rester avec les cartons. Me glisser à l'intérieur du plus grand, parmi les draps. Les coussins. Ils sont tranquilles, eux, les cartons. Ils vont être transportés par tout un tas de types musclés qui dégagent un truc ultra sécurisant. Surtout s'il y a un brin avec marinière. Avec eux, ça va se faire par palier. Ça va se faire à un rythme tranquille, respectueux. Rien à voir avec la brutalité de cette télébène. Afin d'éviter tout risque relatif à votre sécurité, veuillez ne rien tenter. Bien reçu? Je répète. Afin d'éviter tout risque relatif à votre sécurité, veuillez ne rien tenter. Patientez dans le calme jusqu'à l'arrivée des secours. Votre temps d'attente n'excédera pas 140 minutes. 140 minutes? Mais pourquoi il parle en minutes, le type? On ne risque pas de s'asphyxier, au moins? J'ai pas envie de crever là, à quelques étages au-dessus de la salle de fitness de mes rêves. Ce serait vraiment con. Dans mon sac, j'ai aussi ma bouteille portative d'oxygène comprimé. Ça peut servir. Ouais, reçu 5 sur 5, Madame Heidi. Merci. Chut, chut. J'entends un bruit. Écoutez. Moi aussi. Bousse. On passe l'aspirateur. On passe l'aspirateur dans le vallon. Au moins, l'herbe promet d'être bien propre. C'est déjà ça. C'était Haut et Bas, d'Anne Terral, avec Sophie Bouillou, Geoffroy Lidvan, Albertine Villain-Guimara, Xavier Xapla. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Michel Sidorov. Enregistrement effectué les 4 et 5 septembre 2015 à Paris et au Kremlin-Bicêtre.